Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On a l'opportunité d'attaquer dès 20h ce soir, puisque, comme vous l'aurez constaté pour ceux qui suivent, pas de Freaky Mix ce soir, et on souhaite de nouveau un prompt rétablissement à Alex, qui sera bien sûr de retour et d'attaque dès dimanche prochain. Ce soir, on est en direct des studios de Radio Béton. On est présents tous les trois et il y aura bien sûr des focus. On fera des rappels d'annonces de concerts, etc., etc. Au niveau de la musique, des nouveautés françaises, françaises internationales et internationales. Nous aurons les nordistes de Solar Eruption, nous aurons les calédoniens de Red Sphere et nous aurons des groupes qui nous viennent d'un peu partout, Tribunal, For I Am King. Ouais, on n'est pas du tout dans cette vague de diffusion normalement, mais bon, on s'y essaye un petit peu quand même. Dans la première doublette de ce soir, on retrouve Bloodclot, ce petit All-Star Band du New York Hardcore. Les vétérans, hein, dedans on retrouve des icônes de Chromax, Madball et autres Sick of It All. Un 7 titres pour une vingtaine de minutes qui fait suite au second album qui était sorti il y a déjà 5 ans. Parce que donc l'EP est sorti fin 2022 et le second album était sorti en 2017. Voilà, c'est tradie as fuck dans le style New York Hardcore. Ce nouvel EP s'intitule Souls. Et en doublette, on s'écoutera Ominous Scriptures, un groupe de Brutal Death qui nous vient du Bélarus. Forcément, quand on associe ces deux éléments, on pense tout de suite à Extermination Dismemberment. Il n'en est rien cependant, parce qu'ils ne se partagent aucun zikos. Et puis là, on est vraiment plus sur du Brutal Death que sur du Slamming Death. Actifs depuis une dizaine d'années, ils viennent de sortir leur troisième effort studio chez Willow Tip Records. Voilà, c'est brutal, c'est vachement bien joué. Et cependant, hein, on pense à Extermination Dismemberment et on pense un petit peu moins à Relics of Humanity. Et là, pour le coup, ils se partagent deux Zikos. Bloodclot, le titre Relentless. Ominous Scriptures, Rituals of Malseth Ignition, pardon, extrait de l'album du même nom. Et vu la longueur du truc, je vais pas m'amuser à vous le répéter. Fallait écouter, allez, c'est parti! Transform the demons all up in your mind. La doublette suivante nous emmène tout d'abord dans les profondeurs abyssales de Ahab, le groupe de funeral doom allemand actif depuis une vingtaine d'années qui sort là son quatrième album studio. 8 ans s'est écoulé depuis la sortie du précédent. Donc là on est sur de nouveau un funeral doom littéralement ancré dans les ambiances maritimes. C'est ultra pesant, c'est lancinant, c'est asphyxiant. Les vocaux sont en alternance à la fois gutturaux et sur des lignes, des nappes de chants plus claires et mélodiques. Voilà, on est encore sur un rendu musical ultra monolithique. Et en doublette avec les Allemands de Ahab, nous aurons les Grecs de Die Darknet Shade, le groupe qui a vu le jour à la toute fin des années 90, mais qui n'a publié son premier véritable album studio que en 2012, soit il y a une dizaine d'années. Sort là son troisième effort studio, le second est sorti en 2014. On est sur un black occulte typiquement grec. Vous allez voir au niveau des tempi et des ambiances très ritualistes, hein, forcément nécrophagia et pas nécrophagia, c'est pas du tout nécromancia et Rotting Christ ne sont jamais très loin en embuscade en termes d'inspiration. Un duo vraiment efficace qui s'est de nouveau accordé les faveurs du mercenaire de la batterie venu d'Allemagne, Hans Grossmann, qui a notamment cogné chez Obscurate, Eternal et autres nécrophagistes. Voilà, ça apporte quelque chose d'enrichissant en plus au niveau des parties de batterie. Et vous allez voir, l'alternance des deux chants rajoute à cet esprit sombre et ritualiste dans la musique de Die Darkness Shade. Haha, bah avec le titre Mobilis in Mobili, extrait de l'album The Coral Tombs, une sortie de Napalm Records. Die Darkness Shade, c'est sorti chez World Terror Committee. Liber Lucifer to Maha Pralaya. Et on s'écoutera le morceau A Causal Current of Thanatos. C'est parti. Thank you.

20h25 à la pendule de Radio Béton, c'est l'heure donc de retrouver l'ami Thibaut qui va venir nous présenter le premier focus de l'émission de ce soir. Et accrochez-vous parce que le focus est aussi massif que le groupe qu'il vient nous présenter. Et oui, bonsoir à toutes et à toutes. Un focus particulièrement dense je pense ce soir sur un groupe qui ne l'est pas moins. Obituary. Un groupe qui danse, c'est ça ? Qui danse, tout à fait. Obituary, tu commences c'est parti, bien. je recommencerai plus. Obituary, le groupe floridien. Floridien, ça se dit. Oui. Oui, parce que Florida, c'est autre chose. Florida, ouais. On va se concentrer un peu. Le groupe de Floride, pionnier du death metal, qui sort là son énième album. Un groupe formé en 94 sous un autre nom qui s'appelait Executioner. Jusqu'en 86. En 86, il rechange de nom pour devenir Executioner. Et ils prennent. Pardon ? Non, rien, je t'écoute avec attention. Ah. Et donc, alors il y a eu un espèce de split, si j'ai bien compris, entre 88 et 80. Qu'est-ce que j'ai noté ? Non, n'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Donc en 88, ils changent de nom pour devenir Obituary. Où ils sortiront donc leur tout premier album dans la foulée. Le groupe, il va avoir toute une histoire, on va dérouler un petit peu dessus, un peu plus loin. C'est à la base, c'est formé par deux frangins, les frères Tardy, donc John, chanteur du groupe, et son grand frère batteur, Donald, et ainsi que Trevor Perez, qui est à la gratte rythmique, si je ne dis pas de bêtises, depuis donc la formation du groupe. Donc premier album, je disais 88, non, premier album en 89, Slowly We Rot, enchaîné, alors je mets les deux ensemble parce qu'on va aller un peu vite, Cause of Death, donc sorti en 90, un an plus tard, que dire dessus, à part que c'est des joyaux du death metal. Des pierres angulaires, c'est clairement les fondations de ce qu'on va appeler le death metal floridien, parce qu'il va en découler toute une scène derrière, et de manière plus générale, le death metal à la sauce américaine, puisque d'autres formations à cette époque commencent à briller en Europe. Mais là, voilà, Obituary fait partie. On ne leur enlèvera jamais ce titre de pionnier du death metal américain. Complètement. Et pour donner le ton, de toute façon, on va dire que dans leur discographie, ils n'ont pas fondamentalement évolué dans leur approche, en tout cas de la musique, dans le son, dans les compositions évidemment, mais pas dans cette approche. C'est brut, ça dégouline, c'est poisseux et massif comme jamais. Puis on se remet, on est en 89, on est en 1989, et je pense qu'à l'époque, ben, ce son là on avait tellement pas l'habitude d'entendre quelque chose d'aussi violent, tout simplement, d'aussi cru dans le paysage musical de manière générale. Ouais, parce que 89, faut avoir à l'idée que aux US vient de sortir Altar of Madness de Morbid Angel, Eaten Back to Life de Cannibal Corpse, Amon Feasting the Beast de ce qui deviendra ensuite Deicide, pour n'en citer que quelques-uns. Ah ouais, on est et vraiment... cependant, Obituary tire son épingle du jeu parce que tout au long de leur carrière, jusqu'à là encore, ce 11e effort studio, on sait jamais trop si c'est du Death Doom, parce qu'ils ont vraiment ce truc à eux. Je veux pas te couper l'herbe sur le pied parce que je pense que tu parleras vraiment de l'aspect musical après. Ils ont vraiment une identité musicale, un son, et comme tu disais, tout au long de ces 11 albums studio, ça va presque pas bouger. Ouais, ça c'est Obituary complètement. Tu l'entends de loin, ça c'est Obituary qui joue. Ah ouais, complètement. Mais globalement, il y a une espèce de cohérence globale dans leur œuvre. Et on le sent, ils sont restés très très intègres dans leur travail. Le fait d'avoir, je pense, cette espèce de trio de cerveaux qui a fait évoluer le groupe depuis ses débuts, ça doit aider, parce que bah, les autres membres ont eu un petit peu plus d'aller-retour les autres jobs ont eu beaucoup plus de personnes qui ont fait des allers-retours dans le groupe. Mais globalement, avec ce trio, je pense que c'est ça qui a forgé une identité aussi forte au groupe. Et donc voilà, donc pour revenir sur les albums, deux premiers albums, les gars ils arrivent, ils posent deux galettes, voilà, ça c'est fait. Et viendra pour moi un petit peu une espèce de descente tout doucement, où les albums vont devenir un peu moins inspirés, un petit peu moins... Ils sont pas mauvais. Clairement, la suite, donc qu'on ait The End Complete, World Demise, Back from the Dead, qui vont être les trois albums qui vont suivre, c'est pas mauvais. C'est juste que il y a pas l'innovation qu'on attendait peut-être derrière. Ça tourne un peu en rond, c'est un petit peu en roue libre. Ça s'écoute avec plaisir. Il y a quelques morceaux indépendamment qui sont des chefs-d'œuvre, mais globalement, voilà, c'est des albums qu'on écoute sans trop retenir grand-chose de leur travail. Et arrive la séparation du groupe, qui a été annoncée donc en 97. Globalement, il n'y a pas eu, de ce que j'ai compris, de clash vraiment dans le groupe. C'est plutôt qu'ils ont voulu se recentrer les uns les autres sur leur vie personnelle et sur d'autres projets. Mais reformation donc en 2005. On se fait une pause du coup musique. Ouais. Bah ouais, on s'arrête sur la formation, le split avant la reformation. Ça marche. Voilà, 97, fin du premier chapitre d'Obituary, 5 albums au compteur déjà. Et on s'écoute donc le titre By the Dawn, extrait de l'album donc Dying of Everything que l'on est en train de vous décortiquer. Obituary, c'est parti pour illustrer la première partie du focus. On se remet en selle avec l'ami Thibaut pour la deuxième partie de ce focus consacré aux ricains de Obituary. Et c'est vrai qu'un peu comme un con, je cherchais d'autres identités du groupe pionnier du Death US. Avant toute cette scène-là, on avait bien évidemment Death et Possessed, par exemple. Oui, complètement. Ouais. Bah, je sais plus. C'était, je sais plus, le premier album, je crois, où il disait justement que c'était un petit peu inspiré de Possessed et à l'époque de Celtic Frost aussi. Voilà. Pour se donner, pour identifier un peu leur musique, ça a été deux de leurs grosses inspirations. Donc, on reprend notre petite fil directeur de l'histoire du groupe avec donc cette reformation en 2005 avec l'album Frozen in Time. Pour moi, il fait encore partie un petit peu de la période creuse du groupe musicalement parlant parce que voilà, je trouve pas forcément que c'est les albums où on retient des choses, sauf ce visuel que je trouve magnifique. Vraiment, l'album là, on reviendra dessus un peu plus tard, mais j'ai jamais trouvé qu'Obituary, moi, les visuels me parlaient pas plus que ça. Ils sont réussis, c'est pas le problème, mais c'est pas forcément des trucs ultra percutants. Mais il est très scandinave ce complètement, ouais, bah, ce visu. Complètement, tu pourrais voir des trucs genre Toolkandra ou des choses comme ça avec ce bleu nuit là, que ça serait pas surprenant. Avec à noter un titre ultra tubesque, puisque c'est assez burné, ils ouvrent l'album avec un titre instrumental, oui, qui est une lourdeur, d'une puissance et d'une efficacité incroyable, Redneck Stomp, mm-hmm, qu'ils jouent encore actuellement en live. Complètement. Mortel. Ouais. Non, mais comme je disais, hein, les albums, je les critique peut-être plus durement que les autres, mais n'empêche que déjà, il y a des tubes dedans, et en plus, de toute façon, globalement, c'est pas mauvais. C'est pas un problème que c'est mauvais, c'est juste que par rapport à ce qu'ils ont c'est pu pondre, bon. Par rapport à ce qu'ils ont pondu sur leurs deux premiers albums, on, voilà, l'album, on peut trouver un petit peu de longueur dedans avec 3-4 morceaux un peu fades qui peuvent s'enchaîner. Et puis après, bon, t'as un tube qui vient te rappeler que c'est quand même Obituary que t'écoutes. Quoi. Derrière, donc, trois albums, je vais les résumer tous ensemble rapidement. On a Darkest Day, Inked in Blood et donc l'éponyme Obituary, qui est sorti en 2017. Pour faire simple, là, le groupe, pour moi, il regravit les marches les unes derrière les autres, c'est-à-dire qu'on repart de Frozen in Time, qui est... non, j'ai mangé deux albums, là. T'en as mangé un, Executioner's Return. J'en ai mangé Execution Return. Que c'est l'album justement, du vrai l'album... retour. Ouais, complètement. Il commence à remettre vraiment le pied à l'étrier. Je me disais, j'avais raté un truc. Donc, retour, et surtout, cet album, je l'ai beaucoup aimé, parce que retour à leurs origines, c'est dans le nom. Et au niveau de leur son, c'est pareil, retour à quelque chose qui se voulait plus cru, plus brutal que ce qu'ils avaient proposé sur les albums donc avant reformation. Voilà, celui-là à écouter, Executioner Return, petite pépite au milieu de la discographie. Et après, en fait, on a l'impression qu'ils ont fait ça pour leur grand retour. Et derrière, ils ont réessayé de raccrocher les wagons avec ce qu'ils avaient fait un peu avant. Et c'est remonté en qualité, c'est-à-dire qu'à chaque album, on sentait que ah, ça y est, ils ont repris ça. Ça revient, c'est... et tout ça va se solidifier pour arriver à ce donc 11e album, Dying of Everything, qui vient de sortir donc là en 2023, et qui est dans la continuité de tout ça, c'est-à-dire que ça y est, ils ont rattrapé le niveau, ils ont réussi à remonter pour moi quasiment à ce qu'ils étaient en 90, donc à retrouver ce niveau où ils proposent quelque chose de vraiment, vraiment puissant et comment dire. Original, peut-être dans ce qui... Enfin, original. C'est pas original. Toute proportion gardée. Ouais, c'est pas original, le mot, je l'ai pas. Je le retrouverai plus tard. Mais voilà. Obituary est revenu pour moi. Et là, il y a vraiment quelque chose qui claque de ouf. Et déjà, ça claque à travers le visuel. Parce que quand tu vois la pochette de l'album, moi, premier truc, hein, je vois la pochette de l'album, tu fais « Waouh, ok ». Donc là, Obituary qui propose un visuel qui est vraiment ultra percutant. C'est signé donc de Lewandowski, un peintre qui est décédé l'année dernière. Donc c'est ce qu'on se disait un peu en off. Pour moi, c'est une peinture qui est sans aucun doute une de ses toutes dernières peintures qu'il a proposées. Elle est splendide, on a cette espèce... Donc, c'est un peintre que moi, personnellement, j'aime beaucoup, qui offre toujours des visuels extrêmement grandioses et avec des perspectives qui sont vraiment très écrasantes. Tu te fais vraiment pulvériser par le décor et tu te sens vraiment ridiculement petit par rapport à la scène qui se passe. Et là, bah, ça match complètement. Ça match complètement avec la musique de Obituary. C'est un artiste qu'on a retrouvé notamment sur l'album Mirror Reaper de Bellwish et aussi sur le très bon album Walk Beyond the Dark de Abigail Williams. Et voilà, toujours grandiose, toujours démesuré. Enfin, une peinture magnifique pour accompagner l'album. On s'écoute du coup un deuxième extrait de ce nouvel effort studio de Obituary avant de se consacrer vraiment à la partie musicale de ce qu'on trouve dans Obituary. Donc le titre sobrement intitulé War, extrait de ce nouvel effort studio, le 11e, Dying of Everything. Voilà, Obituary, on a eu l'occasion avec Thibaut de brosser brièvement, parce qu'on pourrait y passer des heures presque, l'ensemble de leur discographie. On a parlé de ce qu'il y avait autour de ce 11e effort studio, hein, ça fait, c'est pareil, j'ai pas les années ni la quantité d'albums pour vous dire depuis combien de temps ils sont chez Relapse Records, pour être passés au tout début chez Roadrunner. Obituary, Dying of Everything. Qu'est-ce qu'on retrouve musicalement maintenant? Parce que c'est quand même l'autre partie super importante de la carrière de Obituary. Qu'est-ce qu'on retrouve musicalement sur ce 11e Effort Studio? Du groove. À fond. Non, mais voilà, Obituary, c'est, pour moi, ils se démarquent énormément par ça. C'est que leur musique, elle groove énormément. C'est, on le disait en off, mais là, ce dernier morceau qu'on a écouté qui tend vers le power américain où tu retrouves des trucs genre que t'aurais dans des groupes comme Lamb of God ou des choses comme ça, où t'as envie de vraiment tout retourner autour de toi. Et ça fait partie d'Obituary, il n'y a pas que ça. Obituary a toutes ses facettes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groove. Tu as des passages qui sont frénétiques dans ce qu'ils proposent, vraiment du death metal à proprement parler, et ou des solos qui viennent de nulle part, qui sont du shred, qui t'arrachent les oreilles, et c'est parfait également. Et d'un seul coup, tu prends un down tempo que t'as pas vu venir. Tu plonges dans quelque chose de complètement doumesque et ça t'enterre purement et simplement. Globalement, c'est ça. Obituary est toujours porté. Pour moi, ce qui fait le sel de ce groupe, c'est le chant de John Tardy qui est toujours aussi dégoulinant, toujours aussi crasseux et saisissant dans son truc. Il croit à ce qu'il fait. Vraiment, moi, pour moi, c'est ce qui fait. Globalement, Obituary, c'est un groupe que j'adore, mais en plus, ce chant, je trouve que c'est ça qui fait que ça fait vraiment partie, pour moi, de mes groupes de death, voire mon groupe de death préféré, assez largement, parce que tu te fais pas chier. Là, l'album, il dure 45 minutes, et du fait de la diversité de ce qu'ils proposent dans leur musique, tu t'ennuies jamais. C'est brut, c'est violent, c'est frontal, et pourtant, t'as une richesse incroyable qui se dégage de ce qu'ils proposent. Et voilà, donc encore une fois, cet album, il renouvelle pas ce qu'il proposait, juste il est très très bon dans ce qu'il propose. Et Obituary, pour moi, revient au meilleur de ce qu'ils ont proposé. Ils explorent de nouveau là où ils ont été les meilleurs. C'est vrai qu'en termes d'équivalent, on en a parlé en off, on retrouve les Hollandais de Asphyx, où eux par contre ils sont ouvertement dans du Death Doom. Où on a des morceaux qui sont vraiment Death Doom et des morceaux beaucoup plus Death, beaucoup plus véloces et directs. Et Obituary s'arrête toujours à cette petite frontière avec le Doom et en proposant effectivement, comme t'as pu le dire, du baveux, du dégoulinant, des gros ralentissements, mais ça reste du Death. Complètement. Et difficile de parler d'Obituary sans parler d'un des guitaristes de génie qui est passé par la formation pendant quelques années, hein, Ralph Santola, qui est décédé en 2018. Obituary à ce moment-là a intégré un nouveau guitariste un peu venu de nulle part qui s'est fait un petit nom aux côtés de la formation, mais qui n'émerge pas d'une formation connue vraiment, hein, Kenny Andrews, qui est revenu recompléter le quintet suite au départ puis au décès de Ralph Santola. On va pas se réécouter un extrait, on va passer à la suite avec la doublette suivante. Tout d'abord, I Am Revenge. Groupe de death, de hardcore beatdown venu d'Allemagne qui nous sort un nouvel EP, Creeping Disease. On va s'écouter d'ailleurs le titre de l'EP, une récente sortie Beatdown Hardware Production. Et en doublette, Veil of Ammonition. C'est une formation ougandaise qui on vous l'a présenté un peu plus en détail lors de la dernière émission en direct qui était au tout début du mois de janvier. Veil of Ammonition, c'est du Doom, actif depuis une douzaine d'années. Il sort là son troisième effort studio, c'est un one-man band. C'est plutôt, un one-man band, mais avec des petites sessions qui viennent graviter dedans. De grosses inspirations Doom Trad européen, mais avec des ambiances grôlées et incantatoires qui viennent du coup poser tous les intérêts musicaux de la formation Veil of Ammonition, voilà, qui nous permet d'écouter ça d'une oreille très différente. Immortalizing the Lugubrious Ordeath of Evolving Despair, c'est le nom de ce troisième effort studio pour Veil of Ammonition, et on s'écoutera le titre Sons of the Moribund. C'est parti. Smell of vengeance fills the air. People suffer. Only darkness is to be seen. The void encompasses everything. All hope will be lost. All that we've refused to believe, but with our wealth, ends forever.